Merci de rester fidèle à Radio Isanganiro. Bienvenue à ce journal, édition de la mi-journée de ce jeudi 4 février 2021. Donc voici d'abord les principales articulations. Le président de l'institution de Bashingana et du Burundi salue la prochaine mise en place du conseil des notables dit Abahuza. Adrien Sibomana trouve que ce conseil jouera un rôle crucial pour les justiciables et le traitement des litiges sur les collines va être accéléré. L'inexistence des postes de l'Aubert dans 3 communes de la province Changuzo est l'un des problèmes qui hantent le commerce frontalier en province Changuzo, nous aurons les détails avec notre correspondant sur place. Et dans ce journal, on reviendra sur le contenu de la charte de l'unité nationale. C'est au moment où ce vendredi, le Burundi célèbre le 30e anniversaire de cette charte. Et Metoussé Mitebouti assure la mise en onde. Captez Isanganiro, écoutez la différence. 34 commissionnaires du marché du bétail de Vieguan, commune gachikanois de la province Ngozi, ont été arrêtés hier mercredi, puis conduits au cachot de la police judiciaire en Ngozi. Parmi les arrêtés figurent ceux qui se réclament des employés de certains patrons qui achètent du bétail en leur place, donc qui ne sont pas commissionnaires. Le commissaire régional adjoint qui pilotait cette opération de rafle indique qu'une enquête visant l'identification des vrais commissionnaires et ces derniers est prévue. Selon la police et les responsables de ce marché, tout patron commerçant de bétail doit avoir seulement 2 employés et les faire inscrire en vue d'éviter le désordre causé par ces commissionnaires. Si de 99 commissionnaires arrêtés, l'autre mercredi, soit toujours incarcéré, faute de 100 000 francs burundais d'amende exigée à chacun pour libération. Ce marché de bétail de Viegua comptait au total 401 commissionnaires. Le conseil des notables composé de Bahouza sur différentes collines et quartiers a un rôle crucial pour les justiciables. L'accomplissement de leur rôle pourra diminuer des conflits. Propos du président de l'institution de Bashingana et Adrien Sibomana indique que les missions de Bashingana sont presque les mêmes que celles de Bahouza, bien que ces derniers ne sont pas intronisés. Il trouve que le traitement des litiges sur les collines va être accéléré. Je vous propose de le suivre. Ces propos ont été recueillis par Moïse Msako. Dès l'annonce de cette loi, les Bashingana, nous avons compris que c'était important et très utile pour le pays. En d'autres mots, ce qu'on exige du Mushingana est beaucoup plus vaste de ce qu'on exige des Bahouza. Par exemple, le Mushingana est intronisé uniquement s'il est marié et s'il a plus de 35 ans, ce qu'on ne va pas exiger des Bahouza. Alors, qu'est-ce que le Mushingana fait normalement? Le Mushingana, c'est celui qui est toujours soucieux de l'entente entre les gens et qui donne des conseils partout où c'est nécessaire. Et ceux qui veulent, qui ont confiance en lui, peuvent lui demander de régler leurs conflits entre les voisins, que ce soit des conflits fonciers ou d'autres conflits, sauf des conflits à caractère pénal. Donc, le Mushingana, c'est plus lié à la tradition qu'à la réglementation des cours et tribunaux. C'est là et du domaine de la loi. En d'autres mots, les Bahouza peuvent être des gens intronisés Mushingana ou pas. Par contre, les Bahouza ne sont pas nécessairement intronisés Mushingana. Mais s'ils le demandent, ils l'auront. Ils vont suivre la procédure normale. Et rien n'empêche au Mushingana de poser sa candidature. Ce qu'on leur demande, c'est exactement la même chose que ce qu'on demande au Mushingana. La plus-value, c'est qu'il y aura entre le tribunal de résidence et le règlement des conflits au niveau local, il y aura une autre instance judiciaire. D'ailleurs, c'est pour cela qu'elle est mise en place par la loi. Donc, ça va diminuer d'abord les conflits. Deuxièmement, ça va permettre de régler les conflits beaucoup plus rapidement et ça sera très proche de la population. Adrien Sibomana était au micro de mon confrère Moïse Missago. L'engagement, respect rigoureux de l'éthique de l'unité nationale et la prise de la ferme résolution d'organiser la vie nationale dans la voie de l'unité sont les deux derniers grands titres qui composent la charte de l'unité nationale. Ces titres développent différents points dont le respect de la vie humaine. Lecture du contenu de la Charte de l'Unité Nationale avec Vestine Boutoui. Récemment, nous vous avions parlé du contenu des deux grands premiers titres parmi les quatre qui composent la Charte de l'Unité Nationale. Aujourd'hui, c'est le tour des deux grands derniers titres, c'est-à-dire le troisième et le quatrième. Alors, le troisième grand titre est consacré à l'engagement au respect rigoureux de l'éthique de l'Unité Nationale. Dans cette partie, on explique comment il ne suffirait pas de rejeter les divisions si on ne traduirait pas dans l'agir quotidien l'éthique de l'unité nationale par un comportement irrelatif. On s'engage à respecter la vie humaine étant donné que celle-ci est consacrée et que nul n'a le droit d'y porter atteinte sous quelque prétexte que ce soit. On s'engage également à se réconcilier avec soi-même. Ici, on explique que les différentes tragédies dans lesquelles le Burundi a vécu ont marqué le tissu social et ont généré la méfiance et la suspicion, sans oublier la ternissure de l'image du pays. Pour y remédier, on propose de se ressaisir et s'accorder dans un élan sublime et le pardon pour la réconciliation nationale. On s'engage pour la énième fois à se reconnaître avant tout Burundi, à combattre l'injustice, à sauvegarder et consolider la paix et la sécurité, à promouvoir la justice, à privilégier l'intérêt général. Le quatrième et le dernier grand titre est réservé à la prise de la ferme résolution d'organiser la vie nationale dans la voie de l'unité. Dans cette partie, l'éthique de l'unité dans la vie quotidienne doit être soutenue par le souci permanent de gérer tous les aspects de la vie nationale dans la voie de l'unité. Alors, on doit assurer la gestion démocratique de l'État en réaffirmant solennellement qu'on constitue un seul peuple et que c'est en cette qualité qu'on veut être gouverné. Tout régime politique doit se plier à cette volonté et gérer l'État dans la seule voie de l'unité nationale. Aucun régime, aucune loi ou disposition contraire à cette volonté ne sera tolérée au Burundi. On doit assurer également le respect des droits de l'homme en réaffirmant que tous les hommes naissent et demeurent égaux en dignité et en droit et que la personne humaine doit être protégée et respectée dans son intégrité. On s'engage enfin à assurer le développement national et sauvegarder la culture nationale. Donc, la présente charte engage tout le peuple burundais. Merci à Vestine Boutoui pour tous ces détails. Ce vendredi donc, le Burundi célèbre le 30e anniversaire de la Charte de l'Unité Nationale. Une courte pause. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Les affiliés aux partis politiques souhaitent du développement afin de renoncer à la méfiance. C'est le constat d'Omar Djuma, président de l'organisation canadienne Zoom DPSD, lors du lancement ce jeudi du dialogue inclusif pour les jeunes en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Il fait savoir que ce dialogue va trouver les jeunes d'extérieur du pays et surtout dans les camps des réfugiés. On écoute Djuma Omar, il est au micro de Nini Ben Nibikita. Nous pensons trouver un pays neutre de la région ou ailleurs et envoyer les jeunes d'ici et ceux qui seront là pour représenter les jeunes qui sont dans des camps, qui sont un peu partout en exil. Et puis, ils vont s'asseoir. Il suffit seulement que les Burundais, vous les mettez quelque part dans une salle, que vous les enfermez dedans, ils vont certainement s'entendre. Quand je vois les gens en exil, je les vois, je les côtoie. Vous savez que le Canada abrite une très grande communauté burundaise. Je vois des jeunes qui avaient un avenir prometteur ici. Ils se retrouvent là-bas, c'est très dur. C'est ça qui m'a motivé à dire non, je peux faire quelque chose pour que ces jeunes-là, cette matière grise-là ne puisse pas tout le temps être obligés à quitter le pays. Si le gouvernement nous soutient dans le projet que nous portons en tant que Zoom, l'intérêt sur leur programme à eux. Je veux que les Burundais rentrent. Et le gouvernement du Burundi veut que tous les Burundais soient là. Les opposants à l'extérieur, ils veulent aussi rentrer. Je vous le dis, personne ne peut rester en exil et vouloir y rester. Il faut préparer la pépinière. Il faut préparer ces jeunes qui sont là aujourd'hui, qui seront aux affaires demain, à les inculquer ce caractère-là de discussion, de dialogue, sans toutefois arriver aux mains, sans toutefois que l'un soit le gibier, l'autre le chasseur. Ce qu'il faut faire plutôt, c'est de voir comment travailler avec les jeunes pour leur propre avenir, pour qu'eux puissent avoir des projets de développement qui peuvent les aider à évaluer et à vivre, à être indépendants financièrement. Je pense que c'est la seule chose qui peut couper. Mais on ne peut pas aller aussi dans le développement tant qu'il y a d'autres qui sont à l'extérieur. On ne peut pas aller parler de développement quand il y a d'autres qui peuvent s'organiser autrement et puis revenir et tout remettre en question. Donc la première chose, il faut qu'il y ait ce dialogue-là, qu'ils puissent s'asseoir, qu'ils puissent discuter, qu'ils puissent rentrer et qu'ils puissent aussi travailler à ce que leur avenir soit radieux et meilleur sans qu'ils puissent être manipulés. Poursuivons ce journal. Les signatures d'engagement ce jeudi des actionnaires pour créer la nouvelle compagnie aérienne appelée Burundi Airlines. Dans ce mot liminaire, le ministre Immaculé Ndabaneze dit qu'ils vont commencer à adopter les statuts fixés où se trouvera le siège et désigner l'actionnaire de référence. La création de cette nouvelle compagnie aérienne, selon la ministre du Commerce et de l'Industrie, est pour que le Burundi se dote de la compagnie aérienne de transport comme d'autres pays de la sous-région. L'écoute. L'acte d'aujourd'hui que nous allons poser est un acte très très important pour les deux sociétés, mais aussi pour la nation burundaise. Il constitue un engagement ferme des actionnaires pour créer cette nouvelle société afin que le Burundi se dote, comme tous les autres pays de la sous-région, d'une compagnie de transport aérien national. C'est pour cette raison que nous avons rassemblé tout ce monde-là ici. Et dans les temps qui suivent, nous allons examiner les points suivants. Nous allons d'abord vérifier les apports des associés et ensuite nous allons les approuver. Ensuite, nous allons adopter les statuts de la nouvelle société et enfin la société, après la signature de ces statuts, la société sera créée. Nous allons ensuite fixer où se trouvera le siège de cette nouvelle société. Nous allons aussi déterminer le logo de la nouvelle société aérienne. Et enfin, nous allons désigner l'actionnaire de référence comme la loi l'exige. Ensuite, nous allons aussi désigner les membres du conseil d'administration de la nouvelle société. Nous allons aussi, comme le prévoit les textes réglementaires, désigner les banques qui vont travailler avec la nouvelle société. Et enfin, il y aura un procès verbal où chacun sera invité pour suivre le processus réel de cette nouvelle société. Société qui sera créée dans un instant. Propos recueillis par Jean-Marie Mayonga. L'ignorance de certains documents exigés par le commerce transfrontalier et l'inexistence des postes de l'OBR dans les communes Tchendadjuru, Kigamba et Gisagara en province Changuzo, tels sont les problèmes rencontrés par les petits commerçants de Changuzo qui désirent pratiquer le commerce transfrontalier. Lors de la réunion à l'endroit de ces commerçants, réunion tenue par le ministre du Commerce, l'OBR a promis de faire des études pour la réouverture de certains de leurs postes fermés en vue de faciliter ces commerçants transfrontaliers de Changuzo. Et au niveau de l'association des commerçants transfrontaliers du Burundi, l'on demande à l'OBR de publier sur leur bureau les listes des produits commerciaux concernés par le commerce transfrontalier. Les détails avec Rimo Moudende. Certains de ces documents inconnus pour pratiquer le commerce transfrontalier, cet enregistre de commerce, le numéro d'identification fiscale, la facture, le certificat d'origine, ainsi que la liste des produits faisant objet du commerce transfrontalier. Les petits commerçants de Changuzo qui désirent pratiquer en télécommerce ont exprimé qu'à part l'impossibilité de faire le commerce en cette période de Covid, en seul poste de l'OBR et qui n'est pas du tout modernisé et fonctionnel à Gahumo, en commune Mishiha, frontalière avec la Tanzanie. Ailleurs dans d'autres communes de Tchendajuru, Gisagara et Kigamba, frontalière également avec la Tanzanie, il n'existe aucune voie de sortie ou d'entrée des produits commerciaux quittant ou venant en province Changuzo. Certains commerçants ont expliqué que cela est à l'origine du commerce frauduleux observé ici et là en province Changuzo. Au moment où on a expliqué à ces commerçants qu'il y a des accords entre le Burundi et les pays voisins, si la liste des produits concernés par son commerce et les produits qui ne doivent pas dépasser le coût de 2 000 $. Certains commerçants ont montré leur soif de connaître d'abord ces accords et surtout la liste des produits commerciaux faisant objet de ce commerce. Au niveau de l'association des commerçants transfrontaliers du Burundi, l'on a demandé à l'OBE de publier chaque fois que possible les listes concernées par le commerce transfrontalier. Le délégué de l'OBE à l'échelle nationale a parlé du possible réouverture de leur poste fermé, surtout celui d'Ogasenya en commune de Kisagala, allant en Tanzanie pour faciliter ce genre de commerce. Précisons que même pour arriver au poste de Garumo en commune de Mijiha, les commerçants de Changuzo éprouvent des difficultés énormes suite à la route non goudronnée pour arriver en Tanzanie. Depuis Changuzo, Raymond Dende, Radio Isanganiro. Parlons santé avant de clôturer l'actualité nationale. 1039 personnes se sont fait dépister du cancer au centre de dépistage et diagnostic du cancer Boudjapat en 2020. Et 104, soit 10% parmi celles dépistées, ont présenté des signes de cancer. Ces chiffres sont donnés par ce centre au moment où, le 4 février, le monde célèbre la journée internationale contre le cancer. Actualité internationale. En actualité internationale, la République démocratique du Congo, une nouvelle flambée de cas de rougeole a refait surface dans l'ex-province de l'Équateur. Dans le nord, le sud du Bangui, l'ONG Médecins sans frontières a observé un nombre inquiétant de cas. Dans les zones de santé de ces provinces du nord Ubangi et du sud Ubangi, des enfants avaient pourtant été vaccinés. Des cas nombreux, parfois difficiles, de rougeole ont été décelés, comme l'explique Anthony Kergossien, coordinateur du pôle Urgence Congo pour MSF Belgique. Dans ce pays même, après les membres du bureau de l'Assemblée nationale, c'est au tour du président du Sénat d'être dans la tourmente, Alexis Thambwe Mwamba, un proche de l'ancien président Joseph Kabila, est soupçonné par le parquet près la cour de cassation de détournement et de déni public. Il a demandé au bureau du Sénat l'autorisation d'instruction. Dans son réquisitoire, le procureur cite quelques faits. Le 6 janvier de cette année, le président du Sénat a tiré pour le compte de son institution 3 chèques des montants respectifs de 2 millions d'euros, 1 million de dollars et 1 million de francs congolais. Dans le même document reçu le 1er février par la Chambre haute du Parlement, le procureur explique que l'argent a d'abord été retiré par le trésorier du Sénat, qu'il a été donné au conseiller financier du questeur avant d'être remis au président de chez lui à domicile pour le parquet. Ces frais sont susceptibles de constituer l'infraction de détournement de deniers publics. Voilà, à 13h15, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bon après-midi à toutes et à tous.